Allez, go! Il aurait pu être un grand matin. Salut les amis! Salut Charline! Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il fait, Alex? Ah bah, il prépare l'avenue d'Yvan le Bolloc. Non mais Alex, tu vas pas chanter là! Pourquoi pas? Parce que le Bolloc et son groupe, ils sont déjà 8. Oui, mais je voudrais bien qu'ils m'engagent. C'est pas en chantant du Daniel Guichard qui vont t'engager. Je connais tous les tubes gitans. Bambolero! Non mais attends, je suis pas certain qu'un vrai gitan il aime le Gypsy King déjà. Bien sûr que si, Gypsy King c'est la référence toutes les chansons. Au bal masqué. C'est la compagnie créole ça! De toute façon, Alex, t'as pas une tête de gitan. Oui, ça m'arrange pour rentrer dans les boîtes de nuit. Ça c'est vrai. De toute façon, il n'y a pas de gitan en blond. Bien sûr que si. Suétan. Quoi? C'est les gitans de Suède, les voilà. Suétans. Écoute Alex, on va arrêter là parce que à part tes chemises, t'as rien de gitan. Bon allez, sujets, on y va. Et bah, il y a Bruno Le Maire en une du Figaro Magazine. Ah, il aurait été en une de l'Humain, on aurait été étonnés. Oui, moi j'aime bien Bruno Le Maire. Oh les deux droites. J'aime Bruno Le Maire comme sujet. Ah. Sinon il y a Teddy Riner. En une de l'Équipe? Non, il a des problèmes financiers. Ah oui, comme il y avait déjà Le Maire en une du Figaro Magazine, d'accord. Bah, ok, bah ça fait deux sujets. Alex, voilà, on l'entend plus là. Mais qu'est-ce que tu fais, Alex? Pardon, super les sujets. Là, je regarde pour mes vacances. Quoi? Je vais me louer une caravane et je vais aller de ville en ville avec ma guitare, comme Django Reinhardt, comme Manitas de Plata, comme Kenji Girac. Non, Alex, là, ça suffit. Hein. J'aimerais que tu nous laisses travailler et que tu quittes ce bureau tout de suite. Là, parce que... Oh Dieu, je suis un vrai gitan. On me chasse de partout. Dehors, dehors. T'es pire que Manuel Valls. Dehors. Rita, il me saoule, Manouche. Bonjour la France Inter, bonjour les Saintes-Maries de la Mer, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité à la scie sauteuse et voici les trois informations qui vont finir en morceaux jusqu'à 18h. C'est le troisième homme de la droite, l'outsider, celui qui défie Sarkozy et Juppé, c'est Bruno Le Maire. Il fait la une de deux hebdomadaires cette semaine qui se demande s'il est différent des autres. Je ne suis pas un baratineur de campagne électorale. Quand je promets, je tiens. Votez pour moi. Le Sporting Club de Levallois, cette bonne ville de Levallois-Perret dont nous parlons très très souvent. Levallois verse 30 000 euros par mois à Teddy Riner qui combat très régulièrement pour la ville. Très régulièrement, oui, à chaque fois qu'il y a la semaine des 4 jeudis, donc c'est très fréquent, entre une pub pour les brioches Pasquier et une pub pour Adidas. 1 million d'euros, on est d'accord que c'est bien, mais dans, c'est la vie est chère quand même. La vie est chère. Vous aimez la quiche? Vous aimez la photo? Eh bien, n'hésitez pas à faire des photos de quiche. Il y a désormais des stages pour ça. La photo culinaire n'a jamais rencontré autant d'adeptes. Choisissez vos photos, couleur ou noir et blanc. Pour les photos couleur, moi je vois les photos noires. Tu vois les photos noir et blanc, les photos vieilles. Prendre les photos quand j'étais petit. Et pour s'emparer de ces infos, je suis accompagnée de celui qui photographie son waterzooi de poulet au bout d'une perche. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker et aujourd'hui autour de la table l'équipe type à 17h20. La pitié de Chamonix. Il peut partir en logorée imprévue qui lui vienne d'en haut. Et si tout ce qu'il dit n'a pas toujours du sens, il y a toujours un but. Et c'est ça qui est beau. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex. Bonjour Charline. De quoi on va parler? Mais quel est le but? Mais oui, oui. Alors, ça, j'ai vu. Alors, écoutez, là, on a un groupe exceptionnel. Je vais faire un petit peu un mélange d'histoire de la guitare, c'est-à-dire l'histoire de l'oud qui va arriver au 8e siècle avec un jeune musicien kurde qui s'appelle Ziryab. Et au piano, j'essaierai de vous décrypter ce mode très spécial qui est le mode espagnol, qui est un mode qui est à la fois mineur mais qui en même temps exprime une passion incroyable, qui s'appelle plans, le mode phrygien. Voilà, record de teasing, 1 minute 8 à 17h30, l'homme qui divise la France en deux. Il y a ceux qui l'adorent et ceux qui l'a déjà interviewé. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis rendu à l'événement Make Up Paris pour parler maquillage. Quelle est pour vous la personnalité française la moins bien maquillée? Je sais pas, Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est pas faux. Et à 17h40, celle qui a l'élégance discrète d'un samovar sur une table tchécovienne et dont le tempérament est aussi chaud que le thé noir qu'il contient. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. Je sais pas comment vous faites pour résister, moi j'ai envie de le pécho. ça vous regarde, Guillaume. Vous connaissez la chanson Vous qui passez samovar? Vous avez déjà eu votre temps. Tu sors. De quoi on va parler, charmante Clara? Eh bien, il y a le burn-out qui est en discussion à l'Assemblée nationale et donc focus sur les paresseux en littérature. Et à 17h55, il viendra prendre un cours de guitare avec les amis de notre invité. Tout à l'heure, ce sera Frédéric Fromet qui viendra chanter. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République, et ils sont même plusieurs. Vous êtes né sous De Gaulle, vous devenez instituteur en 83, c'est l'année où Yannick Noah remporte Roland-Garros. Thierry Ardisson vous lance en télévision et vous rencontrez Bruno Solo en 90 quand le PS se déchire au congrès de Rennes. Vous sortez votre premier album avec votre groupe, Ma guitare s'appelle Revient, en 2006, quand Jacques Chirac inaugure le Quai Branly, lui qui n'a rien branlé pendant 14 ans. Vous êtes... Yvan Le Bolloc. Bienvenue, yeah, Yvan Le Bolloc. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Yvan Le Bolloc, oui. Et Ma guitare s'appelle Revient. Vous au avez complet. Emmené votre bande au complet. Ça, c'est oui, chouette. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on a voulu garer les deux caravanes dans le hall magnifique que vous avez fait construire à grands frais. Et personnellement, j'ai pris le temps de me rouler sur le marbre. Ça fait un bien fou. Alors, présentez-nous votre équipe. On va rendre ça le plus visible possible pour nos auditeurs. Et puis, on va les entendre, bien d'accord, sûr, pour, au long de cette émission. Alors, vous avez la tour de contrôle du Bled, Abdelweb Seba, qui est ici, sur votre gauche. Charlie, qui vient de Marseille. Qui sur la gauche de votre poste, hein, voilà, donc chez vous. À côté du mixeur, là vous avez Gaël Garcia, donc le spécialiste du gel en tout genre. Il peut passer derrière un réacteur de 747, il n'y a rien qui bouge. C'est vrai, on dirait Mathieu Gallet, dis donc. Anouchka, qui est donc belge, donc on a pris une belge pour faire la jonction avec vous. C'est la qualité. Et puis nous avons Javier Fernandez à la guitare et aux percussions, Javier Sanchez. Voilà, voilà l'équipe, ma guitare s'appelle Revient. Vous propulsez déjà dites-moi. Oui, non, mais si, installez-vous si vous voulez, bien sûr. On peut faire les choses dans l'ordre. De toute façon, nous, on obtempère. Hein, c'est-à-dire, vous êtes 8, on est 5. Je veux dire, on va pas moufter pendant l'émission, c'est moi qui vous le dis. Hein. Alors, ma guitare s'appelle Revient. Yvan Le Bolloc, vous nous expliquerez tout à l'heure que vous rentrez. C'est la question que vous alliez lui poser s'il était resté assis à sa place. Oui, mais non, mais c'est bien parce qu'il s'installe en même temps. Vous savez, il y a quand même une percussion, la basse, il y a tout le monde doit s'installer. Donc, on peut faire les réponses à sa place, on sait ce qu'il aura répondu. Oui, mais de effectivement. Toute façon. Yvan Le Bolloc. Oui, bonjour. Bonjour. Vous rentrez, vous revenez de résidence avec votre groupe pour votre prochain spectacle. Tout à fait. Ça signifie quoi une résidence à 8 comme ça? On a travaillé sur un nouveau répertoire de chansons, puisque comme vous le savez, que je viens de me rallier aux Républicains. J'ai apporté mon soutien à Nicolas Sarkozy. Donc on prépare un album de chansons de soutien. Voilà. Des reprises de Michel Sardou, ça. Est-ce que c'est un petit peu comme le Katiki qui avait été propulsé président des jeunes pop sans papier pour éviter d'être expulsé? Est-ce que c'est une manière de rentrer dans le système et que tous les gitans soient bien protégés au siège de l'UMP? Tout à fait. Mais là, ils sont huit, donc ça va être un petit peu plus délicat. Surtout que celui qui s'occupait du dossier s'appelle Claude Guéant. Il a quelques petits problèmes en ce moment. Ouais, il a dû se réfugier dans une cellule. Enfin, bon, c'est un petit C'est-à-dire peu que technique. Vous composez au commissariat régulièrement. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc là, il vient de me péter mon temps promo. Oui. Merci, camarade. À votre service. Vous êtes sur France Inter. Non, vous aurez l'occasion de nous raconter tous les tenants et aboutissants de cette histoire chez les Républicains. Yvan Le Bolloc, ne vous inquiétez pas. Je rappelle, votre dernier album, c'est La Manoucherie Royale. Mais comme vous rentrez de résidence pour un nouveau spectacle, on est sûr qu'il y aura un album derrière. Oui, un album et puis un nouveau spectacle qui va s'intituler C'est que de l'amour, qui va tourner à partir de 2016. Voilà. Et là, tout de suite, pour nous, en live, Ma guitare s'appelle Revient, ils sont venus en force à la maison de la radio. Je pense que ça s'appelle San Juan. C'est Vamos. Ça. San Juan, y con todos mis amigos pa' que seamos todos igual, tomaremos una copa, es un día muy especial, esta va a comenzar y no sé cuándo va a acabar, mi padre y mi madre preparadas el fuego, qué día ideal, también está tu cuerpo, el fuego que alumbra tu cara morena. A mí ya me ilumina, a de nuevo mi pena. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, ropa, es un día muy especial. La fiesta va a comenzar y no sé cuándo va a acabar. Mi padre y mi madre preparan a hacer fuego. Qué día ideal, también está tu cuerpo. El fuego que alumbra tu cara morena, a mí ya me ilumina, ay de nuevo mi pena. Ay, le, le, le, le, le. Venez vous asseoir. Dites donc, mais ça envoie du bois. Oui, oui. Il faudrait surtout dire au mec qui règle le chauffage à France Inter qu'il enlève une bûche, parce que là, je ne peux pas la remettre la chemise. Hein. Ouh là là là là. Comment, comment il s'appelle votre chanteur ? Alors, il s'appelle Gaël Garcia. Et c'est un petit palois. Il a un 06 ou ouais, il est marié ou pas ? J'enchaîne la question de Clara. Yvan Le Bolloc. Donc, alors vraiment, donc vous revenez de résidence, donc pas chez les Républicains. Comment ça a fonctionné ? La résidence ? Ouais, la résidence. Ah, ben, la résidence. Oui, alors la c'est résidence. Le moment créatif par excellence pour vous, pour Ma Guitare s'appelle Revient. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que les gens puissent penser qu'on part en résidence, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans une très belle résidence. Non, c'est pas ça. Une résidence, en fait, c'est qu'on est enfermé, en général, dans une salle de spectacle. Là, en l'occurrence, c'était avec des camarades de la CGT qui nous ont prêté une salle. Ah oui ? Oui, tout à fait. Qui a été rénovée ou pas ? Vous voulez dire qu'il reste des machines et une pointeuse ? Vous savez, maintenant, la CGT, ils ont des endroits superbes pour pouvoir accueillir des artistes. Ils ont des toilettes des en artistes. Or. Ah oui. Voilà. Ah oui. Me fais pas chier là-dessus, toi. Parce que déjà, tu m'as niqué ma promo tout à l'heure en me faisant passer pour le petit ami de Claude Guéant. Allez-y, voilà. Bon, on a le temps, on est avec vous, on a et, un plaisir de vous écouter. Et donc voilà, on était enfermés avec Jean-Jacques Vanier, qui est donc le metteur en scène du spectacle C'est que de l'amour. Et donc on travaille, voilà, le matin, l'après-midi, le soir, on tente des trucs. Et d'ailleurs, on tente des trucs à tel point que des fois, par exemple, au début, le spectacle, j'avais pensé à Faut pas rester là, voilà, parce que ça, ça nous correspondait bien, faut pas rester là, on n'est jamais tout à fait à notre place aujourd'hui. Ça peut être un slogan des Républicains, hein, quand ils s'adressent aux sans-papiers, c'est la même chose. Et puis après, en déconnant, à un moment, j'ai dit à un musicien, j'ai dit, mais t'inquiète pas, c'est que de l'amour. Et je me suis dit, bon, bah, c'est que de l'amour, c'est quand même vachement plus positif, et donc c'est devenu c'est que de l'amour. Et quand vous parlez de mise en scène, mm-hmm. c'est-à-dire, quand on est 8 sur scène, vous êtes 8 à peu près, ou c'est ouais, le... ouais, on va, ou oui, ça oui, peut être oui, plus, contrairement plus conséquent à contrairement à d'autres, moi j'embauche et donc effectivement donc on ça... est 8 sur scène, ce qui relève un peu du miracle hein, aujourd'hui dans le spectacle vivant, puisque maintenant il y a des mecs qui font des fortunes d'argent en rentrant tout seul sur scène et puis en faisant des blagues, ça s'appelle des one man show. Oh les salauds, là évidemment là, pour nous c'est voilà, c'est un désastre parce que forcément ils font 10 fois plus de profit en une demi-heure que nous en 8 mois. Il y a 8 personnes sur scène, mais il y a combien de contrats de travail sur les 8? Parce que c'est bien beau de balancer chez les copains, mais on a tous les papiers. Parce Non, mais tout ça est très artistique. La Manoucherie Royale, par exemple, album produit chez Crystal Records, oui. Voilà, basé à La Rochelle, oui. Et qui défend le spectacle vivant. Exactement. Voilà, Eric Debeg, qui est donc le gérant de Crystal Records. Là, il va avoir une petite érection si par bonheur il nous écoute. Si on a pu lui faire plaisir, ça fait plaisir. Hein, voilà. C'est pas le premier en écoutant l'émission. Et quelqu'un qui, voilà, c'est une structure indépendante et comme il en existe reste encore quelques-unes qui se battent vaillamment pour que la culture populaire, la musique de qualité puisse continuer à subsister, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même, tout cela devient assez compliqué. C'est un très chouette label. Il produit aussi beaucoup d'artistes de jazz. Il a un studio d'enregistrement qui est un espace incroyable. Et il y a aussi un orchestre symphonique de jeunes mecs qui ont beaucoup de talent, qui sont dans le coin aussi. Et donc, moi, c'est toujours enthousiasmant de voir que dans le marasme actuel de l'industrie du disque, il y a des indépendants qui se lèvent et du coup, qui font des vrais labels et qui produisent une vraie musique dans leur région. Et qui sont là aujourd'hui dans notre studio. Ah, exactement. Ravis de vous avoir. Il vient de m'appeler, il me dit que je vais pouvoir rouler en Golf GTI avec des jantes larges maintenant. Avec Teddy Riner à côté, on va en parler tout à l'heure. La Manoucherie Royale, c'est le dernier album. Yvan Le Bolloc et surtout Ma Guitare s'appelle Revient. Ils sont là aujourd'hui pour nous. On écoutera un autre titre tout à l'heure. En attendant, on vous informe. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire ? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par Christiane Taubira. Oui, ce matin sur RMC, elle a dit pourquoi pas les 32 heures. Et Pierre Gattaz a été très surpris en entendant ça. Oui, il aurait même dit je ne comprends pas, il n'y a que 24 heures dans une journée. Passons à Jean-François Copé. Oui, on apprend dans Le Point qu'il comptait organiser une conférence de presse à Washington lors de sa venue en marge de l'arrivée de l'Hermione, le bateau, et elle a été annulée, malheureusement, cette conférence de presse, oui. Faute de participants. Américains, ils ont toujours 2 ans d'avance sur eux. Une petite info people. Oui, hier c'était le bac philo et Nabila a tenu à encourager ses twittos. Elle a posté « Merde à tous ceux qui passent le bac, assurés au max !» Avec évidemment une petite faute d'orthographe, mais c'était sympa de le faire. Et Nabila, elle aime la philo. Elle aime beaucoup la philo, elle a dit dans l'interview « J'ai bien aimé les cours de philo. » Elle a ajouté « J'ai une intelligence cachée au fond de moi. » Ce qui expliquerait peut-être que beaucoup d'hommes aient envie d'aller chercher, vérifier la chose. Merci, merci. On passe à votre spécialité, le titre fort. Le titre fort, ouais. Brest, il jette son ex par la fenêtre et attend la police avec un verre de vin. Ah, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Que le type connaît bien les habitudes des policiers. Ah, oui, très vrai. Une étude belge met en évidence l'inculture des jeunes quand il s'agit de connaître l'origine des aliments. Exactement. 35% des petits Belges pensent que les citrons sont produits en Belgique, 35% pensent que le coton est produit en Belgique, 11% que le riz est produit en Belgique. Et oui, bon, ils sont belges, mais ça excuse pas tout. Et d'après Métro Belgique, il y en aura même un qui a demandé où poussent des fiches tiques. Et c'est comme gênant. Mais ne rigolez pas parce que bientôt, le coton, on va le ramasser. Si Pierre Gattaz continue, ça va vraiment être. Si, mais méchant. Moi, je fais tout ce qu'il veut. C'est quoi les fiches tiques ? On peut rappeler pour les Français quand même, qui ne sont pas bilingues. Nous, on ne sait pas ce que c'est en fait. On va peut-être demander Anouchka, la chanteuse de Ma Guitare. C'est les bâtons de Colin. Ah ben voilà, mais nous on peut pas comprendre les blagues, c'est les gars. Paniglo, c'est les fiches tiques. C'est des poissons panés. Et voilà, c'est une vanne qui a beaucoup du succès en Belgique, mais qui marche pas. C'est très clivant comme blague. Effectivement. Je dirais même que c'est segmentant. Bon ben voilà, on va se débrouiller avec ça maintenant. Oui, un petit peu de surréalisme. On va terminer par le surréalisme belge. C'est un auditeur qui m'a envoyé cette info du Dauphiné. Grenoble. Vous avez toute une tête de fiches tiques. Grenoble, des Belges en radeau sur l'Isère. Ah, on brûle d'en savoir plus, oui, Alex. Ben je vous lis l'article un petit peu. Des policiers grenoblois ont été alertés ce mercredi en début d'après-midi qu'un radeau de fortune arborant un pavillon de pirates et supportant 4 hommes était en train de naviguer sur les eaux de l'Isère. Vers 14h, l'embarcation et ses occupants ont été vus proche de l'avenue des Martyrs à Grenoble et c'était 4 Belges qui avaient fabriqué un radeau et qui étaient en pirate. Et ben voilà. Ah ben voilà. Et après, choisissez une blague dans votre tête et vous la dites. Et après, on met le petit jingle de fin. C'est la fin de saison, on se fait plus chier. Hein. Vous achetez un carambar, vous lisez, puis vous vous marrez en nous écoutant. Il y a le Bolloc qui fait de la guitare. On en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris au pied de la lettre Christiane Taubira et on a écrit à la 33e heure de la semaine. Et voilà. Enfin, heureusement, il y a Ma Guitare s'appelle Revient qui est avec nous qui va bosser. Hein. Premier sujet, A Star is Born, Bruno Le Maire. C'est Bruno. Le challenger à droite, le jeune premier des Républicains. Il fait la une de l'Express et du Figaro Magazine cette semaine. Présentation de Bruno Le Maire. Bruno, mon beau-frère. Oui. Hein, t'as quel âge ? 34. Et quelle taille ? 1,78. Ton poids ? 72. Âge, taille, poids. 34, 1,78, 72. Taille, poids, âge. 1,78, 72, 34. Âge, poids, taille, poids, âge, taille, poids, taille, poids, âge, taille. 34, 72, 1,78, 1,78, 72, 72, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, 1,78, Bruno Le Maire fait la une de deux magazines cette semaine. Alors, comme ça, les Français vont peut-être le connaître, Yvan Le Bolloc, hein, parce qu'on le connaît assez peu, finalement. Hein. Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, le Quai d'Orsay. Beau pédigré, quand même. Hein. Mais attention, Yvan Le Bolloc, malgré tout ce pédigré, il prétend penser... out of the box. Ça, c'est séduisant, non? Oui. C'est ça qui vous a séduit, vous, c'est ça? Hein, vous vous êtes dit, quand vous l'avez vu, ce mec, il pense out of the box. Ça veut dire quoi, out of the box? Ça veut dire, j'imagine, il est en dehors des sentiers battus, quelque en chose dehors comme du système. Ça. C'est comme un fichtique, mais à côté. C'est un fichtique sans poisson. À votre avis, c'est possible, quand on a fait Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, Quai d'Orsay, qu'on a été ministre, de penser out of the box? Vous pensez que c'est... Je ne sais pas s'il pense out of the box, mais j'aurais bien aimé être là le jour de la séance photo pour le Figaro Magazine et me glisser parmi ses conseillers en communication, voir sa femme. Pourquoi décrivez-nous la une? Voir sa femme qui a dû lui dire non, mais pas cette chemise, pas ce bleu, Bruno. Mon petit nono, change-moi la couleur de la chemise, parce que c'est son style, lui. Le côté Sans cravate et manches retroussées. Oui. Ça fait le mec qui vient de faire sa vidange, mais on s'en aperçoit pas. Avec un petit bracelet. Le petit bracelet, je reviens du Brésil et j'ai pris un engagement. Mon rêve va se réaliser. Voilà, je monte à la présidence. Et Mais vous aussi, Yvan Le Bolloc, vous avez une chemise avec les manches retroussées. C'est vrai, mais ça, c'est parce que j'ai chaud, moi. C'est son côté républicain, je vous le dis depuis le début. Et puis, c'est passé aussi, j'étais avec mes camarades de la SNECMA à la CGT ce matin, à qui je fais une petite bise, donc forcément, je me suis retroussé les manches. De faire un programme politique juste sur des manches retroussées, je me demande si ce n'est pas un peu court. J'ai lu un truc sur lui qui est terrible quand même, parce que j'ai lu le papier, c'est un opportuniste. Considère que le pouvoir est au sommet, que les politiques sont encordées pour y arriver et qu'il vaut mieux être le premier que le dernier. Et s'il faut couper la corde, il le fera sans aucun état d'âme. C'est génial. Et on vous conseille le Figaro Magazine cette semaine, allez-y. Hein, parce mais attendez, qu'on a une nouvelle tête à droite. Oui, puis c'est un homme politique cultivé. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai, c'est une plume. C'est un des rares hommes politiques qui écrit des bouquins et ça lui rapporte 80 000 œufs par an. Alors, André Manoukian va nous parler de la musique. D'où vient le flamenco? Quel est ce mode si particulier qui fait qu'il y a quelque chose qui nous prend, qui nous enveloppe l'âme? Il y a un mot qui est magnifique dans le flamenco, c'est le duende. Le duende, ça veut dire c'est quand on est connecté, quoi. Donc, le musicien reçoit ses instructions de force spirituelle qui le dépasse. On va revenir un tout petit peu à l'histoire de la guitare, puisque Yvan Le Bolloc, ma guitare s'appelle Revient. Est-ce que vous saviez que tout est parti d'une ville qui s'appelle Mossoul, hein, qu'on connaît tristement aujourd'hui, un petit musicien. En fait, il n'est pas encore musicien. Il vient de naître dans une famille nombreuse. Tous ses frères et sœurs meurent en bas âge parce que ça arrive souvent à l'époque. Le père, qui est pauvre, lui dit « Il ne me reste plus qu'un seul fils. Je ne vais pas rater ton éducation. Je te paye les cours de ce que tu veux. » Et le gamin, il fait « Je veux faire de la musique. » Le père, il fait « Merde, je suis dans la merde. » Bon, tant pis. Il assume. Il l'emmène à Bagdad, puisque à Mossoul, le 8e siècle, il n'y a pas de musicien. À Bagdad, il y a un maître de musique qui est oudiste à la cour du calife. L'oud, en fait, c'est de là que tout vient. Le professeur auditionne le gamin. Le gamin répète chaque phrase de plus en plus compliquée. Donc, le professeur se dit « Cet enfant a une oreille exceptionnelle. Je vais l'enseigner. » Et il dit à son père « Tu peux repartir, je vais m'occuper de lui. » Ça va durer pendant 12 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'enseignement se passe de maître à élève. Le gamin, pendant 12 ans, va travailler. Et le maître de musique se dit « Quand il sera prêt, je vais le présenter à la cour du calife. Et là, je vais me faire des couilles en or. » Normal. Effectivement, un jour, le gosse est prêt. Il le présente à la cour du calife. Et là, c'est au-delà de ses espérances. Le calife charmé le couvre d'or. Sauf que le gamin se réveille le lendemain matin avec un couteau sur la gorge. Et qui sait ? Bah, c'est le maître qui a pété un plomb. Le maître n'a pas calculé qu'il deviendrait jaloux comme un fou parce que ce gamin, tout d'un coup, a attiré toute l'attention. Le maître dit à l'enfant, à Ziryab, Ziryab, en arabe, ça veut dire le merle. C'est-à-dire qu'il est tellement enchanteur qu'on lui a donné ce surnom-là. Et lui dit, tu dégages de Bagdad, je veux plus te voir, sinon t'auras la gorge tranchée. Le gamin va s'en aller en Égypte, il va aller en Tunisie, il va aller jusqu'à Cordoue et il va se réfugier donc à la cour du calife de Cordoue. Il auditionne devant, évidemment, le calife de Cordoue, le couvre d'or. Sauf que le gamin se dit maintenant je dois enseigner à mon tour, puisqu'un musicien qui n'enseigne pas n'est pas digne de ce nom. qu'est-ce que je vais faire pour pas reproduire ce qu'a fait le maître avec moi si je deviens jaloux après un élève. Après, et il on a va l'idée, vous border, éteindre la lumière. Et hein, il a l'idée de donner des cours à plusieurs en même temps. C'est-à-dire que le premier conservatoire d'Europe est né au 8e siècle à Cordoue par un petit kurde qui s'appelle Ziryab. Il va rajouter une corde à l'oud, et on va appeler ça la corde de l'âme. Ça va avoir 6 cordes. La corde va monter jusqu'aux Pyrénées. Les Occitans vont être tellement charmés par cette émotion musicale. L'émotion musicale en arabe, ça se dit tarab. Eux, ils rajoutent les Occitans dour. Tarab, dour. Ça va donner le troubadour. Maintenant, examinons juste d'où vient ce mot d'espagnol. Oui, voilà, la gamme majeure. On l'examine. Jusqu'ici, vous la connaissez tous, n'est-ce pas? C'est le mode majeur, on appelle ça le mode ionien. Le deuxième mode... Ah, celui-ci est plus romantique. C'est le mode dorien, c'est le mode préféré de Ravel. Donc c'est un mode mineur, mais néanmoins qui exprime avec sa sixième majeure une certaine, je dirais... Il n'est pas très nostalgique. Alors, bizarrement, le mode qui va venir maintenant s'appelle le mode phrygien et tout est diminué chez lui. La seconde est diminuée, la tierce est diminuée, la sixième et la septième. Alors, ce mode qui est très mineur, eh bien, il n'exprime pas la tristesse, il exprime le feu. C'est tout le paradoxe du flamenco, c'est-à-dire que c'est le mode espagnol. Quand on le transpose en mi... est diminué, c'est-à-dire que normalement avec ça je devrais faire pleurer les chaumières, or vous devriez faire pleurer dans les chaumières, parce que c'est très rare qu'une chaumière pleure comme ça toute seule, car une chaumière est une maison, André Manoukian. Et là, on va pouvoir improviser pendant des heures. Oh parce bah que non, du coup. Pas, ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, Clara. Clara Dupont-Mono, mais qu'est-ce qui se passe parce à la que c'est dans le flamenco, on fonctionne, qui est une musique éminemment orale, on fonctionne avec une suite d'accords, on se regarde, on se donne un tempo, et puis là, ça part pendant des heures. C'est ça qu'il y a de jouissif dans cette musique. C'est une musique qui est vivante, qui n'a pas besoin de partition, qui nécessite encore une fois un feeling incroyable qui s'appelle le duende, et ça se passe avec le regard, et ça se passe un petit peu avec le défi aussi. Il y a un musicien qui va faire une phrase, et l'autre qui va la reprendre. Allez-y, camarade, faites-moi une phrase. Arrête, Dédé, il va te défoncer. Défie pas un mec comme ça. Tu vas pas te laisser bouffer par un gitan, Dédé. Vous sentez là tout l'Orient? C'est la note là, on insiste. Ah là là, arrête, j'en peux plus là. Arrête. Merci, voilà, c'était une petite... Bravo les gars, très très bien. Non, il faut pas être trop sensible, je suis trop sensible pour jouer cette musique là. Dédé et votre camarade de jeu, rappelez-nous... Javier. C'était Javier Fernandez. Attention. Avec André Manoukian. Merci Javier. Reprends la guitare. Bon, Et oui, vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie d'Yvan Le Bolloc et de toute la troupe de Ma Guitare s'appelle Reviens. Ils sont en train de se préparer pour un deuxième live. Sachez qu'ils sortent de résidence, donc c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour leur nouveau spectacle. Les dates de concert sont prévues à la fin de l'année. Leur dernier album s'appelle La Manoucherie Royale. Et eh ben, on va écouter le deuxième titre. Yvan, voilà. Vous êtes prêts? Et tout à l'heure, Dédé parlait de la musique arabo-andalouse. Et voici, nous, on a fait la jonction entre ces deux influences majeures dans quelque chose d'assez sautillant et épicé. Ça s'appelle Yababa. Voilà. Okay. Mamos. 1, 2, 3 et... Seba, Charlie, Javier Fernandez, Javier Sanchez, Gael Garcia, Anouchka et le gitan du Finistère pour vous servir. Suivant le Bollock. Merci à vous pour ce magnifique live. Le dernier album s'appelle La Manoucherie Royale. Tout juste. Enflammez votre salon, vous aussi, voilà, comme notre salon ici à France Inter et chez vous, chers auditeurs. Lui, il enflamme une forme de journalisme. Ah oui, bien particulière. Ah oui, c'est moi ça. Remettez-vous, Guillaume. On transpire comme des cochons. Mais oui. Allez-y, on vous écoute. Mais c'est pas grave, on danse quand même. Mais oui, c'est bien. Alors, vous le savez sans doute, Yvan, hein, notre émission change le monde tous les jours. Mais Ça va beaucoup mieux depuis le début. C'est violent. Hein, mais force est de constater que les résultats se font un peu attendre, c'est vrai. Que ce soit au niveau du conflit israélo-palestinien, de la situation en Syrie ou des coupes de cheveux de l'équipe de France de football masculin qui font tous les jours de nouvelles victimes, notamment de nouvelles fashion victimes. C'est pourquoi je voudrais vous proposer, une fois n'est pas coutume aujourd'hui, une chronique mode, une chronique maquillage plus précisément, puisqu'en ce moment a lieu à Paris le Make-up in Paris, le premier événement d'Europe consacré à l'univers du maquillage. Alors ça m'a passionné. Alors, il y a par exemple la société Geka qui a comme slogan « La beauté commence ici ». Ça veut dire que les autres sont un peu moins beaux que vous ? Bah, je vais pas dire le contraire. Vous pensez vraiment que les autres sont moches ? Non, on a toujours besoin des concurrents et c'est toujours comme ça qu'on s'alimente, mais c'est le jeu. Oui, mais on n'est pas obligé de dire que les autres sont moches. Ah, j'ai jamais dit ça. Ou qu'ils sont moins beaux. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Non, je lui fais dire ce qu'elle a dit, mais qu'elle n'assume plus. Nuance. Allons donc voir du côté des moches, enfin des moins beaux donc, notamment une marque dont le slogan disait cette fois-ci « Au-delà du packaging ». Eh oui, c'est Niche au pays de la pute à franche, de la mode, pardon, de la mode. Alors, pourquoi ce slogan ? Au-delà du packaging, parce qu'en fait, on se dit Tanke Promotional Solution Provider. On est capable, demain, d'aller vers le e-sampling ou d'autres solutions de communication. Voilà, alors si tu veux communiquer, il faudrait déjà qu'on comprenne ce que tu dis. Ah, c'est un petit conseil. Il est out of the box. Ouais, il est complètement out of the box, beaucoup trop. Mais bon, nous sommes bien en présence d'entreprises qui innovent dans le domaine du maquillage, notamment une marque qui fabriquait des nouveaux poudriers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces poudriers ? Qu'est-ce qu'ils ont spéciaux, ils sont brevetés, ils ont été développés par notre partenaire américain, à savoir qu'il est très difficile de trouver des produits étanches. Ça veut dire qu'on peut faire de la plongée sous-marine avec cet étui. Vous pouvez faire de la plongée avec votre petit poudrier, ouais, tout à fait. Ou prendre une douche. Voilà, et prendre une douche, vous avez un miroir qui est intégré derrière, donc vous pouvez même vous maquiller si vous voulez sous l'eau, sous la douche. Voilà, ça c'est pour la femme moderne, hein. On peut se maquiller en se douchant, en attendant l'invention des céréales étanches, hein, pour que vous puissiez manger vos Chocapic. On savait déjà qu'Alex Vizorek pissait sous la douche. Voilà, on peut tout faire maintenant, oui, douche, c'est vrai. Hein. On salue votre épouse qui me l'a confirmé. Beaucoup d'innovations donc au Make-up Paris. Par exemple, au lieu de vous maquiller, collez-vous directement des étiquettes sur la tronche. C'est ce que proposait une marque italienne. Mais moi j'appelle ça des autocollants, il y a des gens qui appellent ça des stickers. Et alors, on les colle sur le visage ? À la place de se maquiller avec du produit démaquillant, il faut juste les décoller. Est-ce que c'est du tuning de visage ? C'est exactement comme ça. C'est pareil ? Oui. Et voilà, un beau cadeau à offrir à votre copine, si vous voulez qu'elle soit assortie à votre Golf GTI. Forcément, il y a une démarcation, c'est-à-dire entre l'autocollant et la chair, normalement. Je ne vous cache pas qu'il y a une démarcation qui est assez violente. Je vous conseille d'aller voir sur Internet, c'est vrai, on peut parler de démarcation. Bon, puisqu'on parle d'étiquette, il y a aussi celle à poser sur les flocons, hein, les flacons, ça n'a aucun sens, les flacons de maquillage. Et il y avait un fournisseur d'étiquettes au slogan qui m'a également interpellé. Alors j'ai vu que votre slogan, c'était un autre regard sur l'étiquette adhésive. Oui. Vous pensez que l'étiquette adhésive est discriminée aujourd'hui ? Non, je crois qu'il n'y a pas de politique à mettre dans l'étiquette. Non, c'est une image. Pourquoi on pourrait avoir une mauvaise image de l'étiquette adhésive, un mauvais regard dessus ? Il n'y a pas de raison qu'on en ait. Non, je pense qu'il n'y a pas. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait un autre regard dessus ? Mais c'est... Bon, un mauvais regard, c'est pas forcément l'inverse n'est pas forcément obligatoire. C'est pas très très clair tout ça. Hein. Il s'en mêle. Imaginez le type, vous arrivez avec votre micro inter, il s'est dit c'est ma chance de faire une grosse promo. Mais en même temps, le type il a collé un autre regard sur l'étiquette adhésive, donc quelque part il doit être responsable de ses actes aussi. Vous êtes pervers. En tout cas, on a vu qu'il s'en mêlait un petit peu les pinceaux, et ça tombe bien, des pinceaux il en faut pour se maquiller. Bim ! Et oui, je postule pour le championnat d'Europe de transition. Je serai opposé d'ailleurs en finale à Charline Van Hoenacker et sa fameuse transition. Puisqu'on parle d'andouillette, c'est l'heure de la chronique de Clara Dupont-Mono. Voilà, ça s'annonce serré cette histoire. Mais en attendant, parlons pinceau fin avec la patronne d'une entreprise qui se situe où ? À Saint-Brieuc, la capitale du pinceau fin. À Saint-Brieuc, c'est la capitale du pinceau fin ? Oui. Est-ce que les habitants de Saint-Brieuc sont fiers d'habiter dans la capitale du pinceau fin? Mais écoutez, oui, puisqu'ils viennent souvent visiter l'entreprise. Visite d'usine de pinceaux? Oui. Mais ce sont quand même des gens qui s'ennuient. Non, non, ils sont très intéressés, très curieux. Ouais, pareil, c'est très intéressant. Mais oui, mais sans doute on n'y pense pas assez. À mon avis, PlayStation et Nintendo, ils ont du souci à se faire. Si les ados découvrent qu'on peut visiter une usine de pinceaux fins, ils sont très très mal, les gars. Poursuivons avec cette fabricante, donc, de pinceaux fins. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une coiffure qui est cohérente par rapport aux pinceaux que vous vendez? Ben oui, puisque je porte la brosse. Voilà, voilà, on peut difficilement faire plus cohérent que ça. C'est comme si Mireille Mathieu bossait dans une usine qui fabrique des bols, ou comme si Benjamin Riquet, notre réalisateur, ou Alain Juppé bossait dans une usine qui fabrique fabrique rien, du coup, voilà. Allez, dernière question, toujours pour cette brave dame. Quelle est pour vous la personnalité française la moins bien maquillée? Le président de la République. Ah, c'est vrai, vous le trouvez pas bien maquillé? Non, pas bien maquillé du tout, son rouge à lèvres est mal posé. Le pauvre. On lui aura vraiment tout reproché durant son mandat. Mais c'est peut-être juste que le rouge à lèvres qu'il a sur les lèvres, eh ben c'est pas le sien. Parce que oui, on peut lui reprocher de s'occuper davantage des courbes de Julie Gayet que de celles du chômage. Merci Guillaume Meurice, vous êtes sur France Inter. Nous sommes avec Yvan Le Bolloc. Sujet 2 à Levallois, le système Balkany est plein de surprises. La dernière pèse 130 kilos et 30 000 euros par mois. Rien qu'à Levallois, c'est Teddy Riner qui grève les comptes du Sporting Club Levallois. Lorsqu'on dit à un enfant ou à un jeune d'aujourd'hui, parce que moi j'y suis beaucoup avec la jeunesse, quand ils entendent 75% d'impôts, ils se disent mais comment on peut devenir riche, comment on peut s'en sortir? Et c'est super difficile de se dire qu'on est déjà en train de brider notre jeunesse à leur dire que bah, tu ne pourras pas être riche, quoi, en fin de compte. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Booba, grosse influence pour vous, bien sûr, dans les blocs. Ah non, mais là, vous m'avez sorti, il y a tout le tableau, là. Il y a toutes les pastels. Parce que j'avais oublié ce petit préambule de Teddy. C'est Teddy Riner qui s'exprime sur les ambitions, cette jeunesse qu'on brime au-dessus d'un million d'euros, les pauvres. Ouais, ouais. Mesquines, bah oui, parce qu'il parlait de la taxe à 75%, et qu'est-ce qu'on fait avec un million, disait-il. Oui, c'est vrai, à peine une brosse à dents. Et là, on comprend mieux maintenant. J'avais pourtant envie d'être assez bonhomme parce que c'est vendredi, il fait beau, il va y avoir un chouette week-end. Donc je me suis dit, on va pas charger la barque des Balkany inutilement. Bah oui. Mais là, franchement, de me remémorer ce petit poème de Teddy Riner, là je me dis, là bah, quand même, les 30 000 euros qu'il prend par mois pour porter un autocollant sur son kimono. Voilà. Le club est financé à 60% par la ville. Hein. Donc ceux qui n'ont pas voté Balkany. Combien il vous faudrait que la mairie vous donne, moi, non, mais pour que vous euros. Le mettiez sur le disque, je sais pas, Levallois Perret, Paul Cerise, la guitare s'appelle Revient. Non, ça c'est pas possible, on ne peut pas transiger, on ne pactise pas avec. Non, mais t'imagines, c'est un plan pourri, ça. Il va tomber à un moment. Comment il s'appelle, le gars qui a les lunettes, là, qui travaille chez Monsieur de Fursac, là, son nom m'échappe, là. Tu sais, qui organise des coupes d'électricité quand il y a des émissions qui sont diffusées sur. Eh oui, voilà. Non, mais faut écouter aussi, quoi, on est vendredi. La moitié de nos blagues. Ouais. Donc en tout cas, Teddy Riner, il doit juste citer Levallois dans les médias. Mm-hmm. Il touche 30 000 euros par mois. Donc si ce n'est que ça, nous aussi, on cite très très souvent Levallois. Donc c'est on attend le chèque. Clara Dupont-Mono. En parlant de 30 000 par mois. Ah, ouais, transition. Mais oui, Charline, parce que l'actualité, c'est quand même aussi la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. C'est encore en discussion à l'Assemblée. Il y a quand même des choses qui se passent autour de nous, dont ça, le burn-out. Mais Clara, vous avez un vrai lien avec l'actu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, j'en ai souvent, c'est pas vrai. Mais elle est un peu tirée par les cheveux, mais quand même, il y en a une. Mais alors, en tout cas, a priori, alors tout ce qui est stress, surcharge du travail, toutes sortes de choses qu'ici certains connaissent autour de cette table et d'autres pas du tout, eh bien, en tout cas, seront enfin pris en compte comme maladie professionnelle. Il y a donc les travailleurs acharnés d'un côté, hein, ceux qui sont au bout du rouleau, et puis il y a tous les autres. Oui, parce que cette loi, elle n'est pas faite pour la France qui se lève tard, hein. Elle ne pense pas aux autres. Au poilu de la main, fatigué de naissance, au planeur, à la sieste, au repos du guerrier. Donc ces poilus de la main, ils ont un refuge, un havre de paix, et ce refuge, c'est la littérature. Parce que la littérature, Yvan, elle adore les paresseux. Elle les accueille, elle les bichonne, elle les laisse s'exprimer. Juste un exemple, en 1880, déjà, un livre est paru qui s'appelait « Le droit à la paresse ». 1880. Il était signé Paul Lafargue. Lui, c'était un marxiste, un de vos copains, Guillaume Meurice. Il était tellement marxiste que lui, il a épousé la fille de Karl Marx. Ah, ça, vous ne pouvez pas en dire autant quand même. Donc, quand on était la fille voilà. De Karl Marx. Et dans Le droit à la paresse, il parle de, je cite, la religion du travail, de cette folie qu'est l'amour du travail, texto, et il écrit « L'amour du travail tue toutes les plus belles facultés. Donc vous voyez, il avait prédit le burn-out sans même le savoir. Au rayon de la littérature et des gros feignants, il y a aussi Bartleby. Moi, Bartleby, je l'adore. Le personnage de Bartleby a été inventé par Herman Melville, celui qui a écrit Moby Dick. Et lui, il reste un sommet de résistance passive. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui dit toujours à son patron « I would prefer not to ». Des générations de traducteurs se sont arrachés les cheveux pour essayer de transcrire au plus près cette phrase. Aujourd'hui, on dit c'est entre « j'aimerais mieux pas » et « je préférerais ne pas » ou « je préférerais ne pas le faire », ça dépend. En tout cas, Bartleby, il veut pas. Et il répète obstinément et très calme cette phrase. Et ce faisant, il est révolutionnaire. Et ben oui, parce que mine de rien, là où tout le monde est dans la course à l'argent, à la réussite, à la vitrine sociale, lui, il sort du rang. Il regarde les hommes pressés. Out of the box. Mais exactement. Les prometteurs, les ambitieux. Et lui, bah, juste, il préférerait pas. Et puis, alors, au rayon des révolutionnaires couchés, hein, des punks à polochon, il y a quand même, il y a un maître. Un maître qui les surpasse tous, mais qui m'accompagne tous les jours, que j'adore, qui est le roi des fainéants, le chef des Tudors. Jeu de mots. Oh, il est beau. Il est beau. Bon, voilà. C'est bon, ça. Et il s'appelle Oblomov. Mais alors lui, c'est Oblomov. C'est beau comme un fichtique. Exactement. Oblomov, il a été imaginé en 1859 par l'écrivain russe Goncharov, qui, selon ses biographes, a mis beaucoup de lui dans ce personnage. Tolstoï et Dostoïevski étaient éperdus d'admiration devant Oblomov. Et ce livre a tellement marqué son époque que très vite en Russie, on a dit un Oblomov, comme on dit un Don Juan en France, exactement. Et est né un mot en russe qui est l'oblomovisme, c'est-à-dire la grosse glande, hein, l'apathie, surtout de l'aristocrate russe du 19e siècle. Parce que Oblomov, il peut pas agir. C'est pas qu'il veut pas. C'est qu'il peut pas. À ce stade, l'apathie, c'est pas un vice, hein, c'est une norme. Et je cite, le fait d'être étendu n'était ni une nécessité comme pour un malade, ni un hasard, ni un plaisir comme pour un paresseux, c'était pour lui un état normal. Et quand quelqu'un vient voir Oblomov à lui rendre visite, il se met à hurler, n'approchez pas, vous apportez le froid de la rue. Son seul vêtement, c'est une robe de chambre orientale, molle et souple comme il aime. Sa pièce à vivre, c'est la chambre. Et il a posé la pantoufle près de son lit de façon exacte à ce que son pied qui sort des couvertures soit immédiatement en contact avec la dite pantoufle. Voilà, donc être couché, ne rien faire, c'est un projet de vie. Exactement comme dans le film Alexandre le Bienheureux avec Philippe Noiret, justement, qui décide un jour de ne pas se lever. Au fond, c'est quand même la meilleure façon de ne pas être déçu par la vie et aussi de garder une âme assez pure, hein, loin des excès humains. Donc c'est une sorte d'ascétisme à l'horizontale. Je laisse le mot de la fin à Oscar Wilde, qui est un grand fan de l'oisiveté. Il a dit « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. » Voilà. Merci, wow. Clara Dupont-Mono. C'est bien. Prenez les références de ce livre. Elle est trop forte. Oblomov de Goncharov, c'est paru en folio et en livre de poche. C'est en poche, on le trouve en poche. Allez, c'est parti, on sort de notre poche. Frédéric Fromet. Ah, c'est notre manouche à nous. Bonjour Frédéric Fromet. Bonsoir. Qu'est-ce que vous venez de chanter? Oh, mon gamin. Ça va bien se passer, t'inquiète. Ça va bien. Moi, au moins, je chante pas pour les Républicains. Ça, ça va vous rester, ça. Donc, voici une chanson pour la fête de la musique. Ah. C'est parti. J'ai beau fermer les fenêtres, j'entends que dehors c'est la fête. Il y a des chèvres sur le trottoir. Bon, il y en a aussi une à la radio le vendredi soir. À la fête du travail, c'est plutôt rare qu'on travaille. Alors pourquoi à la fête de la musique, tout le monde veut faire de la musique? De n'importe quel coin de rue, de n'importe quel branleur. La musique est un bruit qui vient de l'extérieur. Déjà que toute l'année durant, faut se cogner les intermittents. Il manquait plus que les amateurs. Mesdames, messieurs, à la guitare, Frédéric Fromet. Si le type qui débute pouvait se taire quand on dit chute. Mais voilà le voisin qui gueule dans un micro comme Florent Pagny devant sa feuille d'impôt. De n'importe quel pénible, de n'importe quel brailleur. Joby, Joba. La musique est un bruit qui vient de l'extérieur. Comme dirait Nagui, pour les artistes, faites du bruit. Je t'en foutrais, moi, des artistes. Le djembé, la clarinette, le kazoo, la flûte à bec, me donne des envies de meurtre. C'est là que je comprends Francis Cabrel, il est caillou. Un gros caillou dans la tronche. Et il y en a encore qui bronche. J'entends toujours du jazz, du manouche. Donnez-moi un fusil et un stock de cartouches. De n'importe quel chien lit, et ce jusqu'à pas d'heure. Parabaya la bamba. La musique est un bruit qui vient de l'extérieur, pire que la liste, la playlist de France Inter. Chaque année, le 21 juin, au premier couplet refrain, je me dis pourvu qu'il pleuve. Je n'ai jamais autant aimé Joël Collado. Hein. Le Jacques Lang à la ramasse, j'en appelle à Manuel Valls. Un petit 49-3 et la fête de la zik, y en a plus, c'est magique. De n'importe quel vomi, de n'importe quel toffeur, because I'm happy. La musique est un bruit qui vient de l'extérieur, sponsorisé par Audica. Dans n'importe quel franc-prix, n'importe quel ascenseur. La musique c'est joli quand c'est des vrais chanteurs. C'est pour ça que je m'arrête ici. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. À la guitare, au verbe assuré. Il a pris des leçons de guitare avec Ma guitare s'appelle Reviens. Oui. Et Yvan Le Bolloc, le dernier album c'est La Manoucherie Royale. Oui. Mais ils seront en concert, des dates prévues à la fin de l'année. Vous inquiétez pas, comptez sur nous pour vous transmettre ces dates. C'est pas la dernière fois que vous venez dans cette émission, c'est même ça, hein, c'est le début d'une aventure. C'est le début d'une aventure. Juste, je précise, beaucoup. Le 7 juillet au Festival Nuit Saint-Georges, le 8 juillet à Miribel, le 15 juillet au Festival d'Alençon, les HP Baël. Très bien. Retrouvez toutes ces dates sur notre site franceinter.fr, sur la page de cette émission. On va vous renseigner tout ça parce que Ma guitare s'appelle Reviens. Ça nous met une ambiance de feu. Merci Yvan Le Bolloc, merci à tout le monde et merci aux équipes techniques. Et puis on va laisser le mot de la fin à Bruno Le Maire. Je ne suis pas un baratineur de campagne électorale. Quand je promets, je tiens. Votez pour moi.